habite chez moi. Je peux plus supporter Muriel. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 8 février et nous souhaitons une bonne fête aux Jacqueline, ça vient de l'hébreu signifiant supplanter, protéger. Jacqueline a une forte personnalité, bien que secrète et relativement complexe, un mélange de spontanéité et de réflexion. Son comportement n'est pas toujours en adéquation avec ses paroles et ses promesses. Tout d'abord, elle déborde de vitalité et hyper émotive, susceptible et spontanée. Elle est mobile et nerveuse, cultive le secret, entretient le mystère. Il est vrai qu'elle est parfois gênée par un sentiment d'infériorité et qu'elle préfère se taire plutôt que dénoncer une bêtise. Jacqueline est une femme parfois étrange, peu ordinaire, qui suit difficilement les voies traditionnelles, encline à se poser des questions, l'esprit toujours préoccupé. Elle s'intéresse au mysticisme, à la psychologie, à la graphologie, aux sciences humaines ou à la parapsychologie. C'est une inquiète qui pense très tôt que la vie n'est pas forcément aussi belle et simple qu'elle le paraît. Mais il est vrai qu'elle a une tendance certaine à la compliquer. Elle est à part et se sent différente des autres. Sa pensée est analytique et elle a le sens des détails. C'est ainsi qu'elle saura prendre quiconque en flagrant délit de mensonge, aidée en cela par son intuition et une grande finesse psychologique. Spirituelle, elle pourra néanmoins se montrer mordante, critique ou s'emportera violemment et sans créer gare. Forte nature, rarement malade, elle fait preuve de beaucoup de tonus, mais le système nerveux est son point faible. Très travailleuse, lorsqu'elle est motivée, elle est autoritaire et ambitieuse. Si elle n'atteint pas les buts qu'elle s'est fixés, elle le fera par procuration, par l'intermédiaire de son compagnon par exemple. Dicton du jour à la Sainte Jacqueline, froid et bruine. Célébration internationale aujourd'hui en Slovénie, c'est la journée de la culture. Et dans les événements qui se sont déroulés un 8 février en 1663, c'était la fondation de l'Académie royale de peinture et de sculpture par Louis XIV. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec The Temptation et leur titre My Girl. Girl du groupe The Temptations sur RGM. Un peu plus de 8h35, on est toujours dans la matinale et on va faire un point sur tous ceux qui sont nés un 8 février et en 1932, c'était la naissance de John Williams, célèbre compositeur américain à qui l'on doit notamment la musique de Star Wars, connue mondialement. On écoute tout de suite un extrait. Que la force soit avec vous. C'était la musique donc de Star Wars. Vous l'aurez bien évidemment reconnu. Allez, on continue les anniversaires. 1941, naissance de Nick Nolte, acteur américain vu dans Les Trois Fugitifs dans le rôle de Luca, dans le film Les Nerfs à Vif de Martin Scorsese dans le rôle de Sam Bowden, Les Hommes de l'Ombre ou encore La Ligne Rouge dans le rôle du lieutenant-colonel Gordon Toll. 1948, naissance de Ron Tyson, chanteur-compositeur américain du groupe The Temptations. 1949, naissance de Neil Sarest Strupp, acteur français, vu dans De battre mon cœur s'est arrêté dans le rôle de Robert Serre, récompensé par le César du meilleur acteur dans un second rôle, vu également dans Le Scaphandre et le Papillon dans le rôle de Roussin, un prophète dans le rôle de César Luciani, récompensé par le César du meilleur acteur dans un second rôle, Quai d'Orsay dans le rôle de Claude Maupas, César du meilleur acteur dans un second rôle également, et vu plus récemment dans Au revoir là-haut d'Albert Dupontel dans le rôle de Marcel Péricourt. 1953, naissance de Marie Steenburgen, actrice américaine, vue dans Retour vers le futur 3 dans le rôle de Clara Clayton, Philadelphia dans le rôle de Belinda Conin, la série télé New York Unité Spéciale ou encore Orange is the New Black dans le rôle de Delia Powell. 1961, naissance de Marc Andreoni, acteur français connu pour son rôle de Serge Touati dans la série Caméra Café, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans le film Espace Détente. On a pu le voir au cinéma également dans Léon, La Vérité si je mens 2 et 3, Gomez et Tavares, Banlieue 13, Taxi 4 ou encore Star 80. 1965, naissance de Mathilde Amet, actrice française vue dans Le Cri du Hibou dans le rôle de Juliette, récompensée par le César du meilleur espoir féminin, Le Chacal, Les Infidèles, à la télé dans Caméra Café, Fabio Montal, Crossing Lines ou encore On se retrouvera, et elle est la voix française parlée du personnage de Pocahontas. 1972, naissance de Guillaume Gallienne, acteur, scénariste, réalisateur français, sociétaire de la Comédie Française, vu dans Jet Set, Fanfan la Tulipe, Narco, Tu vas rire mais je te quitte, Marie-Antoinette, Benjamin Gates et le Livre des Secrets, L'Italien, Astérix Obélix au service de Sa Majesté, Les Gardes Garçon et Guillaume à table dans les rôles de Guillaume et Mélita Gallienne, vu également dans Yves Saint Laurent dans le rôle de Pierre Berger ou encore Cézanne et moi dans le rôle de Paul Cézanne, réalisateur du film Les Garçons et Guillaume à table. Et d'ailleurs, ce film a été récompensé par le César du meilleur film, du meilleur acteur, du meilleur premier film et de la meilleure adaptation. 1974, naissance de Seth Green, acteur américain, vu au cinéma dans Austin Powers 1, 2 et 3 dans le rôle de Scott d'Enfer. Braquage à l'italienne dans le rôle de Lyle Napster, connu pour son rôle de Daniel Osborne alias Oz dans la série Buffy contre les vampires. Il est apparu également dans la série Angel dans le même rôle, vu aussi dans That 70 Show dans le rôle de Mitch Miller. 1975, naissance de Anne Dessis, actrice française connue pour le rôle de Luna Torres dans la série télé Plus belle la vie qu'elle interprète depuis octobre 2004, vu également dans La Stagiaire, Alice Nevers ou encore Joséphine Ange-Gardien. 1985, naissance de Florian Hardy, hockeyeur sur glace français évoluant en poste de gardien de but qui a joué à Nantes, à Angers, à Morzine-Avoriaz, à Dijon, à Chamonix, de nouveau à Angers pour le HC Munich, pour le club de Dornbirner EC et depuis 2017, il joue de nouveau en France pour le club d'Angers. C'est également l'année de naissance de Natou, vidéaste, humoriste et comédienne française vue dans Les Nouvelles Aventures de Cendrillon et actuellement, on peut la voir dans la série Sam, tous les lundis soir. soir, où elle interprète le rôle de Samia, l'inspectrice de l'Académie. 1987, naissance de Benjamin Sixou, acteur français, vu dans La Tollarde, La vie d'Adèle ou encore Largo Winch. En 1990, décédé Dale Shannon, chanteur américain. Et en 2007, décédée Anna Nicole Smith, mannequin actrice américaine que l'on avait pu voir dans le film Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ou encore la série télé Ally McBeal. Allez, tout de suite, on écoute Dale Shannon avec le titre Runaway. Things we've done together while our hearts were young. I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel a pain, wishing you were here by me to end this misery. And Runaway de Dale Shannon, et on va pas se mentir, hein, en France on connaît plutôt la version française interprétée par Dave. Allez, il est 8h43, passé de quelques secondes, et on fait tout de suite un point sur la météo. La météo. Alors ce matin sera encore nuageux avant quelques éclaircies pour cet après-midi. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés ce matin, entre 6 et 8 degrés pour cet après-midi. Samedi sera une journée pluvieuse. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 7 et 9 degrés l'après-midi. Et dimanche, eh bien, ce sera de la pluie également. Des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin, entre 9 et 10 degrés prévues pour dimanche après-midi. Allez, on file tout de suite vers l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le biathlon et l'étape canadienne de Canmore. Hier soir ont eu lieu les individuels messieurs et féminins. On a commencé avec les hommes et la victoire écrasante de Johannes Bø, 20 sur 20 au tir, impérial sur les skis. Il a laissé aucune chance à ses concurrents. Le deuxième, c'est un de ses compatriotes, Christiansen. Et le troisième, c'est Louguinoff. Et le meilleur français, eh bien, c'est un Fourcade. Et oui, un Fourcade. Fourcade peut en cacher un autre, c'est Simon Fourcade qui a réalisé une très belle course, 19 sur 20 au tir, très bon sur les skis, il termine à une très belle 7e place, lui qui revient de très très loin quand même, on vous le rappelle, il avait commencé la saison en IBU Cup, l'échelon en dessous, mais il est revenu en Coupe du Monde et depuis il réalise de belles performances et notamment cette très belle 7e place sur l'individuel hier. Et pour les autres Français, 11e place pour Simon Détieux, 25e place pour Quentin Fillon-Maillet, 28e place pour Émilien Jacquelin, 31e place pour Antonin Guigona. Fabien Claude, lui, a terminé 54e et son frère Florent, lui, a terminé 35e. Et l'individuel féminin, alors là, il fallait veiller tard hein, pour voir cette course. Elle a vu la victoire de la Norvégienne. Décidément, les Norvégiens et Norvégiennes étaient en forme hier. Thierry Lecoff qui s'est imposé devant Davidova et devant l'Italienne Vitozzi. Première française, Anaïs Bescon à la 7e place. Ensuite, il faut aller à la 19e place pour retrouver Julia Simon. 24e place pour Anaïs Chevalier. 25e place pour Célia Emonier. 28e place pour Justine Brezaz et 35e place pour Caroline Colombo. Aujourd'hui, ce seront les relais. Alors, normalement à 20h30 pour le relais messieurs et 22h45 pour le relais féminin. On ne sait jamais, hein, avec la météo canadienne et le froid, les horaires peuvent être décalés. Mais pour l'instant, ça devrait être comme ceci. Et samedi, on aura des sprints. Et oui, les sprints ont été remplacés par la Mastart a été remplacée par le sprint. Je vais y arriver. Et donc voilà, on aura des sprints samedi, ce qui nous permettra notamment de revoir Simon Fourcade, Fabien Claude qui n'aurait pas couru hein, sur la Mastart. Donc anormalement ce sera 19h pour le sprint messieurs et 22h pour le sprint féminin. Mais à vérifier bien sûr. En tennis à Montpellier, la qualification d'Herbert en 3-7 face à Ivashka, 4-6, 6-4, 6-2. En revanche, Lucas Pouille s'est incliné en 3-7 face à Bagdatis, 7-6, 6-7, 6-4. Aujourd'hui Herbert affrontera Chapovalov et on aura un duel franco-français entre Joe Wilfried Tsonga et Jérémy Chardy. Et à Sofia, la qualification de Gaël Monfils en 2-7 face à Kukushkin, 7-5, 6-3. Il ne joue pas aujourd'hui. Et ce week-end, c'est un rendez-vous féminin, celui de la Fed Cup où la France affronte la Belgique. Un mot de hockey sur glace avec le tournoi des 4 nations féminin qui a lieu à la patinoire de Poissompré. Et hier soir, devant un peu plus de 1200 spectateurs, l'équipe de France s'est imposée 3-0 face à la Hongrie. Ça promet encore une bonne ambiance ce soir pour le match à 20h contre la Norvège et samedi à 14h30 contre la Slovaquie. Et du côté messieurs, la France s'est inclinée 2-0 face à la Norvège. On continue avec du football et tout d'abord l'information hier soir, le corps repêché dans l'avion qui transportait Emiliano Sala a été identifié comme étant celui du joueur de foot de 28 ans, Emiliano Sala. Toutes nos condoléances à la famille et à ses proches. On continue donc avec la Coupe de France. C'est Lyon qui s'est qualifié 2-1 à Guingamp. Lyon affrontera donc Caen en quart de finale. En Ligue 1, ce soir, Dijon reçoit Marseille. Samedi, le Paris Saint-Germain recevra Bordeaux, Amiens, Caen, Strasbourg, Angers. Dimanche, Montpellier recevra Monaco, Nantes, Nîmes, Toulouse, Reims, Guingamp, Lille, Rennes, Saint-Etienne et on terminera avec Nice face à Lyon. En Ligue 2, ce soir, Nancy reçoit Châteauroux et samedi Metz se déplacera à Lens. En National 2, samedi Épinal recevra l'équipe 2 de Lille et en National 3, Raon-l'Étape se déplacera à Bischheim et Thaon-les-Vosges recevra Mulhouse. En basket cette nuit en NBA, l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier, plutôt en forme avec 18 points, s'est imposée 122 à 112 face au Minnesota et l'équipe de Boston de Yabusele qui n'a encore pas joué, s'est inclinée face aux Lakers de Los Angeles d'un petit point, 128 à 120. Du côté de chez nous, en Pro B, ce soir, Nancy se déplace à Aix-Maurienne. En National 1, toujours ce soir, le Jet Vosges reçoit l'équipe de Bezac. Et en National 3, samedi, Mirecourt se déplacera à Wettbruck. Et en rugby, tournoi des 6 nations, dimanche, la France se déplace en Angleterre pour le crush. Allez, on va tout de suite marquer une dernière pause musicale avec Soprano. Tiens, pour un vendredi, pour bien commencer le week-end avec Cosmo. Où sont les filles, les femmes, au tempérament de guerrière? Oui, qui savent comment faire la fête, qu'elles soient mères ou célibataires? Où sont les hommes, les gangsters, les pauvres ou les millionnaires? Fumette, où sont les quartiers, les blocs, les HLM mis de côté, les résidences